je retire l'eau que tu as à la bouche. Un truc qui te déchire, tu t'assieds, je te couche pour que je retire l'eau. Don't.